Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Je me félicite que la richesse soit à la fois mieux employée, mieux répartis et correspondent mieux à ce que sont nos valeurs. Puis, la deuxième chose dont je suis très heureux aujourd'hui, en 2030 glorieuse, c'est que cette évolution dans notre rapport à la richesse nous ait permis une évolution dans notre rapport au temps, parce que finalement, le temps, c'est ce que nous avons de plus, à la fois ce que nous, une des choses les plus précieuses que nous ayons, puis surtout quelque chose qui est très égal entre nous, hein. Et donc le fait que le temps soit devenu égal entre nous, c'est important parce que ça veut dire que chacun aujourd'hui peut mieux affecter son temps personnel à ce qui fait sens chez lui. Et ça me rappelle des gens très anciens maintenant qui ont mené des travaux là-dessus dans les années 70, comme André Gortz, même des choses qui ont été discutées au moment aussi très ancien où le gouvernement Lionel Jospin avait travaillé sur la question des 35 heures, etc. Donc le fait qu'aujourd'hui, l'articulation de nos temps personnels et de nos temps professionnels ait été revue, qu'ils aient été revus dans une dimension qui nous ait permis de sortir du patriarcat dans ce qu'il a d'aliénant à la fois pour les hommes et pour les femmes, c'est-à-dire que les hommes puissent avoir plus de temps avec leurs enfants. Moi, je suis très heureux de passer énormément de temps avec mes enfants. Et donc, dans le système d'avant, le fait que j'ai eu mon père ait eu à être aussi pris par son travail, eh bien, c'est sans doute une petite tristesse. Et donc, voilà, le fait qu'aujourd'hui, ce temps-là soit mieux réparti entre les hommes et les femmes, eh bien, je pense que c'est un grand gain pour nous toutes et nous tous. Et enfin, la dernière chose, c'est que je suis très heureux que, grâce à cette réaffectation de la richesse, grâce à cette façon de réenvisager le temps, nous ayons pu nous relier mieux au territoire et à ce que certains penseurs d'hier, des années 2020-2025, qualifié du monde au-delà de l'humain et dans lequel nous avons beaucoup avancé pour comprendre que il n'y a pas d'un côté l'homme et le reste du monde, l'homme slash les femmes slash le reste du monde, mais bien une communauté biotique, une communauté vivante qui interagit. Donc le fait que nous sachions aujourd'hui mieux nous relier à nos paysages et aux formes du vivant qui l'habitent, eh bien, ça nous a enrichi et donné, une joie aussi très profonde. Et donc, je suis très heureux de ça. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.